Et là, vous avez eu quel diplôme? Non, là, on n'avait pas. C'était le certificat d'études. C'était le certificat d'études, en fait. D'accord. On a... Là, vous avez eu le certificat d'études. Non, je n'ai même pas été au certificat d'études. Ah bon? Non, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et après, j'ai été dans une autre école, Ah, dans une autre école. oui. Où ça? Pardon. À Gourin? Oui. Et sur le Cluny. Comment? Sur le Cluny. Oui. Tu avais une tata. Oui, mais pas les sœurs de Cluny. Non, non, mais là-bas, parce qu'on avait une voisine qui enseignait là-bas. C'est ça qui m'a fait que. Oui. Et après, j'ai fait le cours ménager aussi. Là-bas, à Gourin. Non, ici, Non. à Gouzec. Mais à Gourin, vous êtes allé jusqu'en quelle classe? J'étais en cinquième uniquement. J'ai fait qu'une année. D'accord. Et après, cours ménager Oui. à Quimper. Non, ici, il y avait ça à Gouzec aussi chez les sœurs. Ah bon? Oui, il y avait ça aussi. D'accord. Ils allaient jusqu'en troisième à Gosset. Comment? Ils allaient jusqu'au brevet à Gosset. Non, non, non. Ah non, mais Non, c'était non, non. juste. Il y avait. C'était le primaire uniquement. Et cours ménager après. Oui, et cours ménager après. Donc certains D'accord. allaient du primaire au Ouais. cours ménager directement.